nous allons danser jusqu'à l'aube, mon ami. Rendez-vous ce soir, c'est Fatimata. Nous allons danser jusqu'à l'aube, mon ami. Rendez-vous ce soir, c'est Fatimata. Rendez-vous ce soir, c'est Fatimata. Rendez-vous ce soir, c'est Fatimata. Rendez-vous ce soir, c'est Fatimata. J'ai Fatimata. Rendez-vous ce soir.